Je croyais plus en la vie, rien que je fumais la frappe. Enfumé toutes les nuits, les rêves passent à la trappe. Pas les couilles ton avis, poto lâche-moi la grappe. On a pris des risques, on avait trop la dalle. Ça pointe à la spip, les frérots en cavale. La faute à l'autrice, la justice est loca. La vie d'un loca, les folles à l'hôtel. On a perdu la boule, les boulettes sur la moquette. Yeah, yeah. À Marseille, ça vend du shit et de la chloroquine. Ça prend des années fermées, ça libère les pédophiles. Elle veut bouillave, trop coquine pour être ta copine. J'suis en terrasse, jus de goyave, polo crocodile. Yeah, les temps changent et putain, fais pas belle haine et tu me salues que ça parle mal, cousin. J'suis dans un putain d'engin, j'fais danser ta frangine. On est venu braquer la vie comme le casino d'Anguin. Toute la noche, et les frères sont scotchés. Pacte haine sur un rocher, ça rêve de trophée. Sur la musique, ça m'est décroché, on était fauchés, hein. Aujourd'hui, ça rentre en boîte en full Dolce. J'ai jamais pris la marche, j'ai jamais fait le monstre. Regarde à 8 en main, j'ai personne dur à la montre. J'ai relevé les manches pour donner à graille au monde. Quand je vois le ciel orange, je pense à la fin du monde. J'suis du secteur Aziz, ou pour ça que j'aime le 10. J'ai planqué dans mes bijoux de famille mon bout à 10. Ma mère mon paradis, qui la préserve de la maladie. Souvent les nerfs à vivre, j'vais prendre un flash à la lime. Un quart de siècle à trop zoner, j'entends les flingues résonner. Je chante pour mes abonnés, est-ce que vraiment tu me connais? Ils aimeraient tous nous coller pour pirater les données. Mais tout ça je le sentais, faire tout ça je le savais. J'ai gagné les tournois, je leur ai laissé la coupe. J'ai dû découper pas mes couplets qui m'ont ramené la soupline. Le rap c'était ma poupée, vu sa fouf. On m'a dit mec joue la cool, après mon passage tu peux faire du hula hoop. Fais-moi démarrer moteur de Subaru la routine. La rue m'a rapporté des thunes et la justice m'a tout pris. Je pardonne pas mais j'oublie, nage au milieu des rookies. Respecte-moi, il y a des chances que ta daronne c'était ma groupie. Couche tard, depuis la cité Carter, je viens du shoot star. On représente Marseille, on apprend de tout le monde et même des plus jeunes. Le vêtement le plus beau n'est pas forcément le plus cher, cousin. Hey. Hey, gosse du pendo, j'arrache le sol comme si j'avais volé le benzo. Faut que le taulier, je vais crever comme le pendo. Hein, ces fils d'up qui mettent les yeux comme le fendo. Hey, expliqué, compliqué. Je rentre dans la partie à la ZPK. Plus rien ne m'étonne, laisse-moi trop à part. Je veux ma peur de pas plaire, par là pour les checker. Ouais, je connais le tourniquet. Je vais crever où je dois, par là pour tout niquer. Le monde me doit rien, je te dois quoi? Je te le dis pour toi, très courtois, pourquoi polémiquer? Aïe, merde, il a l'air à terre. Il se prend pour le pater, fausse patek au poignet. Non, je peux plus le voir comme Gilbert Montagnier. Il fait le show en équipe, conduite accompagnée. Marseille, l'étoile sur le maillot. La calache est sortie du chapeau. Roue arrière sur le Prado. Y'a 800 chevaux sous le capot. Samedi c'est en brouille, j'ai mon pétard. S'il bouge, je fais faire le grand écart. J'ai vu trop de BDH dans mon décor. Évite donc d'être sérieux vers le fric sans la lessive, le local sans la résine. On a des gros caissons aussi, les sous pour la révision. Que ça parle en mandarin, qu'on faut sortir du ticket. Je vais faire 800 cette année, que tu l'as à critiquer. La meilleure ace en vrai, le hasi ferme à minuit. Le PMI tire le rideau, on joue au poker au rami. Les gants bien serrés, qualité fougante, ça romande, au criminal. J'ai grandi avec ça, 13, 14, IM et 15, le Var et Corsica. Que des brigandes, et ça tue pour pas un cas. Tout ce qu'on fait pour manger, sur ma mère chabra idée. De janvier à janvier, j'essaie de rester là, bébé j'essaie de pas me faire. Guinée, guinée, moi, ils ont pas compris, je rappe comme si j'étais chauve, comme si j'étais pauvre, comme si j'étais mort. Je vais fumer, fais-moi deux, je vais respirer fort. Je vais te faire rentrer à la rame comme si tu t'étais pas mort. Hein? Samedi, si en bruit, j'ai mon pétard. Si bouge, je leur fais faire le grand écart. J'ai vu trop de BDH dans mon décor. Évitons d'être chargé vers le vieux port. Je rappe sous la canicule, un 3 matricule. Personne manipule, y'a plein de bâtards dans le radar d'Hercule. Dans ma bulle, je fume que de la purée, je suis dans le véhicule. Ils sont pas contents quand tu perds, s'ils aimeraient dire véhicule. Hein? Contre les fils de pute, tu pas immunisé. La misère ça fait peur comme des mecs qui rentrent chez toi déguisés. Maintenant je suis parano, même quand je vais pisser. Tu me dois des papiers, je m'en fous combien tu dois aller pisser. Guetteur au taquis, jobber cagoulé. Que des matrixés, dans la zone ils aiment pas les poulets, m'ont pas vu débouler. Je fais des tours dans la warzone, j'ai mon poisson dans les couilles, il fait que tomber vers les mollets. Carte est volée pour trouver bonheur dans maison dorée. L'avenir. Hey, toujours dans les temps, toujours à la feu. Pourtant j'ai plus de 40 piges, j'ai pas stoppé la fume. J'envoie la fusée car j'ai visé la lune. Doucement je peux brutaliser juste en sortant ma plume. Ça vient du 6-9, frère big up au 9-3. J'habitais dans 9-4, pourtant je viens du 1-3. Posé dans l'appart avec mes big brothers. Tu sais, en train de jouer au kart, on est sous Jar Fire. Game Rover, mes sabs arrivent en Range Rover. Ok, réglons les affaires avant que je parte à l'heure. C'est fou, l'inspiration arrive quand je la cherche pas. Ma réaction quand je les écoute, bouge pas. J'en ai vu trahir, ça a changé. De te manger, rien que pour songer. Que des propos, des discours sans gêne. Fais attention, je peux te mettre en danger. Les plus gros jaloux, c'est ceux que ton cœur abrite. Parle dans ton dos, après viens me sucer la bite. 40%, je faisais déjà la gif. Assise dans la wagon, ouais, donne-nous le go. Prêt pour le départ, bois de l'eau. Si tu tiens pas l'alcool, tu vas te manger des bas. Let's go, diplomatico, pour calmer ma arme. Tu me cherches, attends mon loulou, regarde comment on débarque. Sur le maillot, la calache est sortie du chapeau.